à Sita. Pour l'écouter, 89.1. C'est fou.ca. Cette semaine, au Mathieu Plonchon. Dans Télévision, Télévision, le débat entre Trump et Clinton aurait battu un record de codes d'écoute. Trump a aussi battu le record du nombre de mensonges, d'interruptions et d'absurdités, alors bravo à lui. Dans segment Geek Célix, pour une meilleure performance de votre téléphone, tenez-le dans votre main droite. Et pour une meilleure performance de votre BlackBerry, tenez-le avec n'importe quelle main au-dessus d'une poubelle. Et dans Merci Science, un ingénieur anglais se perd lui-même pour s'enlever une suture au Mathieu Plonchon. Et voici celui qui opère pour se rendre jusque dans le futur, Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 26 septembre 2016, on va faire nos chroniques préférées, la chronique télévisuelle Television Television, la chronique de sciences, technologie et médecine Merci Science, ainsi que le segment geek Cynix. Pour commencer l'émission, par contre, on écoute un peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo, encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Je vais vous dire tout de suite qu'à partir de, ça devrait être la semaine prochaine, on va avoir notre chroniqueur de Gamer à un autre, Samuel Girard. Donc ça sent bien. Soyez patients, il va être de retour, je peux vous le garantir. Mais pour commencer, sur un maxi qui s'appelle Sing It ou Sing It par Zen Albatross. Voici Infrared Ritual, NPS, le Mathieu Plante Show, assez fou. We'll be right back. pièce avec un début et une fin assez étrange, mais un milieu particulièrement savoureux. Hein. C'est comme un cherry blossom. Infrared Ritual sur l'album Sig Int par Zen Albatross au Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est Television Television. Television, Television, la chronique dans laquelle on parle de télévision. On a une grosse chronique cette semaine, une vingtaine de nouvelles. Donc, commençons par le Québec avec Kim Nguyen, Kim Nguyen, Kim Nguyen, comme vous voulez, qui tournera une série télé à Montréal. Alors que sort en salle prochainement Two Lovers and a Bear, le long métrage de Kim Nguyen, présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes le printemps dernier, le cinéaste a confié à La Presse qu'il ferait bientôt le grand saut au petit écran, réalisant des épisodes d'une série à gros budget. Véritable accro des séries télé, Kim Nguyen ne tarit pas d'éloges au sujet des Narcos ou de Nick de ce monde, j'adore Denis. C'est grandiose, dit-il. Non, en fait, dit l'article. Non, c'est lui. Je m'excuse, c'est une citation. Je vais sauter les citations. D'ailleurs, Kim Nguyen, qui est également en négociation avec Netflix pour une série américaine, très conscient de l'évolution du monde du cinéma et de la télé, Kim Nguyen aimerait même proposer aux institutions responsables du financement de penser, à un nouveau mode de fonctionnement. Il dit qu'il va en parler à la SODEC et à Téléfilm Canada pour voir si, dans 2 ou 3 ans, on ne devrait pas faire un projet pilote de mini-série de 6 ou 8 épisodes d'1h30 qu'on pourrait acheter mais qui sortirait en salle en même temps, explique-t-il. Intéressant comme idée. Elle est d'ailleurs en plein montage pour son prochain long métrage I Am Juliet, tourné l'été dernier en partie à Laval, au Maroc et à Paris, et qui devrait prendre l'affiche le printemps projet prochain. Oui, le cinéaste, j'ai vu la ligne d'après deux projets, le cinéaste planche déjà sur un nouveau projet qui est à l'étape de financement en ce moment. Kim Nguyen qui aimerait également, dans un avenir rapproché, toucher à une nouvelle forme d'art, le roman graphique, donc les bandes dessinées pour adultes. Je cite, on devait faire une adaptation des âmes mortes de Gogol à l'époque du 19e siècle. Le film n'a jamais abouti, mais on avait presque tout fait en storyboard. Ça, c'est les grandes planches, les lignes directrices. J'aimerais donc faire un roman graphique du scénario. Ce serait vraiment une bonne manière de redonner vie à des films qui n'ont pas vu le jour, un peu comme Alejandro Jodorowsky l'a fait, comme pour dire au revoir à un projet, lui donner une finalité, conclut le cinéaste. Toujours au Québec, vie à l'international, 19-2 et 30 vies en nomination aux International Emmy Awards. Les émissions, donc, 19-2 et 30 vies sont en nomination. Ça va être remis en novembre. La version anglaise, c'est la version anglaise de 19-2, l'adaptation de la série en français du même nom est ainsi. Ah, Colin, que les articles, hein, quand ça fait une semaine que j'ai lu, ça paraît-tu que je me rappelle plus de ce qu'il y a dedans? La version anglaise de 19-2, adaptation de la série en français du même nom, est aussi nommée dans la catégorie de la meilleure série dramatique, tandis que 30 vies se retrouve dans celle de la meilleure telenovela. La série 19-2 se mesurera donc à des productions de l'Argentine, de l'Allemagne et des Émirats Arabes Unis. De son côté, 30 vies fera la lutte à 2 téléromans brésiliens et à une émission des Philippines. Par ailleurs, les acteurs Dustin Hoffman et Julie Dench ont tous les deux été nommés pour leur rôle dans le film télévisé de la BBC One, Roald Dahl's Easy Trot. Le Brésil est le pays comptant le plus grand nombre de nominations au gala avec 7, et il est suivi du Royaume-Uni qui en compte 6, dont celle susmentionnée. L'Allemagne a 5 nominations. Au total, 40 productions ou artistes venant de 15 pays ont été nommés dans 10 catégories. Les gagnants seront dévoilés le 21 novembre au cours d'une cérémonie à New York. La créatrice de Grey's Anatomy, Scandal et autres recevra un prix soulignant l'ensemble de sa carrière. Une version américaine. C'est vraiment le moment de parler d'adaptation dans ce segment Television. Une version américaine des Pêcheurs avec un acteur connu pourrait voir le jour. Martin Petit a parlé de son expérience à Hollywood à un certain talk show de fin de soirée sur un grand réseau qui se prend pour TVA. Comme le mentionnait donc Martin Petit en mode salvaille le soir, il y a très peu de projets de télé qui voient le jour aux États-Unis et encore moins des adaptations de concepts déjà existants. Martin Petit a pourtant eu la chance de présenter une mouture américaine de son émission Les Pêcheurs au géant Fox récemment, grâce à l'intérêt d'une vedette dont il doit taire l'identité. Évidemment, Éric Salvaille a essayé de lui faire dire de qui il s'agissait, mais l'humoriste est resté de glace. L'animateur a tout de même soulevé quelques hypothèses. Certaines se voulaient humoristiques, mais Vince Vaughn, avec qui Martin Petit a déjà travaillé pour l'adaptation américaine de Starbucks, et Adam Sandler étaient les plus plausibles. Malheureusement, le principal intéressé a avoué que la vedette mystère n'est ni l'un ni l'autre des choix de Éric. Petit a aussi raconté une partie de son expérience à Hollywood. Je vous épargne les détails. L'animateur dans mode Salvaille a tenté de lui faire avouer comment un projet comme celui-ci rapporterait si Fox l'achetait, et Petit est encore une fois resté secret. Je cite, c'est plus que 1000$. L'humoriste a répété en fin d'entrevue que les chances que ce projet se concrétise sont encore très minces, mais qu'il est très fier de s'être rendu jusque-là. On va évidemment suivre le dossier s'il y a quelque chose. Parlant d'adaptation, Les Beaux Malaises en France, le public adore. La version française de l'émission Les Beaux Malaises a été présentée en ouverture du Festival de la fiction TV de La Rochelle 2016. L'accueil du public semble annoncer un grand succès. Mettant en vedette Franck Dubosc et Anne-Marie Vin, la nouvelle mouture des Beaux Malaises est une copie conforme de la série québécoise. L'humoriste Dubosc compare son propre rôle, comme le fait Martin Matte dans la version originale. Même la presse a accueilli cette avant-première avec beaucoup d'enthousiasme. Le quotidien Le Figaro a titré « Franck Dubosc triomphe à La Rochelle », expliquant « Les Beaux Malaises a fait hurler de rire l'ensemble du public et a remporté un vrai triomphe ». Franck Dubosc a semblé très heureux de l'accueil du public pour la nouvelle émission. Je cite « J'en rêvais, mais je ne m'attendais pas à une adhésion aussi sympathique ». L'adaptation française des Beaux Malaises sera présentée pour la première fois sur la chaîne M6 dès le 4 octobre prochain. Toujours à l'adaptation, oui, c'est un gros bloc, je l'avais dit. L'émission Dans ma tête de Patrick Groulx pourrait être adaptée en France. Le concept intéresse la boîte de production européenne Fremantle Media France, qui est notamment derrière La France a un incroyable talent. Là, ça, c'est leur version du talent à revendre. Le journal de Montréal rapporte que l'équipe de Juste pour rire s'est rendue à Paris récemment afin de tourner une capsule inspirée du concept de Dans ma tête avec l'humoriste français Mathieu Madénian. Ce numéro ainsi qu'un autre fait avec Rachid Badouri l'été dernier seront intégrés au Gala France-Québec qui sera diffusé sur la chaîne française W9. Ça, c'est une version alternative de M6, c'est vers le logo à l'envers, l'hiver prochain. Le point de départ du concept de Dans ma tête est un monologue qui prend vie à travers des mini-fictions et qui montre en image la vision qu'ont les humoristes de leur propre réalité. Dans chaque épisode d'une demi-heure, l'animateur reçoit deux humoristes invités qui proposent chacun un numéro de stand-up devant public où l'anecdote racontée se transformera en un récit imagé. Le journal souligne également que Patrick Groulx et Martin Roy, producteurs et réalisateurs de Dans ma tête, se sont également rendus à Cannes au MIPTV, le plus grand marché international des contenus télé et digitaux, évidemment digitaux voulant dire numérique, maudit français, au printemps dernier afin de présenter le concept à des intérêts étrangers. Outre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Espagne se sont montrés intéressés par le projet de Groulx. Précisons que plusieurs concepts d'émissions québécoises ont été adaptés outre-mer ces dernières années ou intéressent des intérêts étrangers. Après avoir été annulé par TVA, la télé-réalité Vol 920 avait été achetée par l'Italie et par l'Australie. On a parlé des Beaux Malaises tantôt. Et puis il y a aussi... Non, c'est ça? Ben, j'aurais dû mentionner les recettes pompettes, bien sûr, qui a été exporté en France via des capsules sur Internet. Toujours dans les adaptations, à TVA, La Relève serait lancée à l'international. C'est une nouveauté récemment. Donc, La Relève, chapeautée par les chefs Chuck Hughes et Hakim Shahar, pourrait bien trouver... j'écoute pas TVA, ça paraît. Pourrait bien trouver preneur dans d'autres pays. Armoza Forma, le développeur et distributeur israélien qui a notamment permis à Québécois Contenu et TVA de vendre Mensonges en France et en Allemagne, ainsi qu'un Vol 920 dont on parlait en Italie et en Australie, a choisi de présenter la compétition culinaire entre jeunes chefs cristaux au prochain marché international des contenus audiovisuels. Le sus mentionné, mais comme, se tiendra à Cannes du 17 au 20 octobre prochain. Une deuxième saison aussi de l'émission des productions déferlantes. Donc, on parle de La Relève, c'est bien ça? Oui. Qui débarquera sur les ondes les jeudis à 20h à compter du 6 octobre, a déjà été confirmé par le réseau TVA. Voilà. Chaque semaine, deux équipes formées, chacune de 10 jeunes talents âgés entre 10 et 14 ans, s'affrontent en montrant leur savoir-faire. Au terme de l'émission, les mentors doivent tous les deux retrancher un membre de leur équipe jusqu'à l'ultime duel d'où sortira le grand gagnant. Là, on passe aux États-Unis avec Daniel Radcliffe, oui, qui est prêt à mourir dans le trône de fer. L'engouement pour la série touche même les stars. L'œuvre d'aventure la plus récompensée aux Emmy Awards avec 38 prix fait rêver Daniel Radcliffe. L'interprète de Harry Potter accepterait volontiers de se joindre à la distribution de la série médiévale et fantastique, ne serait-ce que pour une brève apparition qui mènerait rapidement son personnage à la mort. Évidemment, la plupart des personnages meurent dans cette émission, donc pourquoi pas? Je cite « J'aimerais ça, s'ils veulent simplement m'intégrer et me tuer, je serais très heureux de le faire. » Surtout associé au cinéma et au théâtre, on se rappelle qu'il s'est dénudé pour la pièce « Equus » jouée à Londres. Daniel Radcliffe a un peu d'expérience à la télé quand même, il a d'ailleurs amorcé sa carrière d'acteur dans l'univers de Charles Dickens grâce à la mini-série « David Copperfield » diffusée en 99 par la BBC. Le populaire britannique de 27 ans n'a par contre pas de visée sur un grand rôle au petit écran pour la simple et bonne raison qu'il souhaite jouir du peu de liberté qu'il a dans l'industrie du divertissement. Matt LeBlanc va poursuivre l'animation de Top Gear. La BBC l'a annoncé. L'ancienne vedette de la comédie Friends, Matt LeBlanc, avait signé un contrat de 2 saisons pour animer sa populaire émission sur les voitures Top Gear. Le diffuseur a précisé que l'acteur américain serait de retour à la barre de l'émission pour sa 24e saison en 2017. Matt LeBlanc était l'un des deux co-animateurs lorsque l'émission a été relancée en mai après avoir perdu ses animateurs de longue date. Son co-animateur Chris Evans a quitté le navire en juillet après que l'émission eut obtenu des codes d'écoute décevantes et reçu des critiques médiocres. Top Gear est devenu un succès mondial grâce notamment à son équipe d'animateurs. Alors, on se rappelle de Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May. Le trio avait quitté l'émission l'an dernier à la suite d'un conflit qui a éclaté derrière la caméra et lors duquel Jeremy Clarkson aurait présumément frappé un producteur. Les trois hommes animent une nouvelle émission sur les voitures qui s'appelle The Grand Tour, qui est offerte sur le service Amazon Prime, qui est encore une fois, comme on dit toujours, pas disponible au Canada. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Je comprends pas. Will and Grace sont de retour. Surprise sur les réseaux sociaux cette semaine, oui, pour contrer Trump. Les principaux personnages de la populaire série Will and Grace est diffusée de 1998 à 2006 sur NBC. C'était diffusé au Québec et c'était sûr. Est-ce que c'était sur Mademoiselle, qui s'appelait, qui était le nom de Moi et Compagnie à l'époque, ou encore sur Série Plus? Il me semble que c'était Série Plus, mais je suis pas certain. Bref, se sont réunis en cette campagne électorale présidentielle aux États-Unis pour offrir à leurs nombreux fans un segment de l'émission tourné dans les décors originaux où ils se moquent avec humour du candidat républicain qui le mérite pleinement, Donald Trump. Dans un segment du sketch, l'actrice Deborah Messing, c'est Grace Adler, énumère les nombreuses affirmations diffamatoires, racistes et homophobes prononcées par Trump depuis le début de la campagne. La vidéo est disponible sur assemblagerequis.com. Ça vaut bien les quelques petites minutes que vous allez perdre là-dessus. Est-ce que ça va annoncer un retour éventuel de la série? S'ils ont gardé les décors, j'en ai aucune idée, mais ça ne me surprendrait pas comme tout est de retour de nos jours. Justement, parlant de M. Trump, le débat entre Trump et Clinton aurait battu un record de code d'écoute. Le premier affrontement télévisé entre Donald Trump et Hillary Clinton lundi soir semble avoir battu le record du débat présidentiel le plus regardé de l'histoire des États-Unis. L'estimation finale des codes d'écoute menée par la firme Nielsen n'était pas encore disponible en date d'hier, mardi, mais les estimés préliminaires des 11 réseaux télé qui ont diffusé le débat arrivent à un total de 81,4 millions de téléspectateurs, ce qui dépasserait le record vieux de 36 ans. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que il n'y a pas juste les grands réseaux, il n'y a pas juste les 11 réseaux télévisés majeurs. Là, on englobe pas mal de choses dans la définition de majeur, mais il y a aussi des chaînes câblées qui ont diffusé le débat. Il y a des sites web, il y a plein de sources officielles, donc ça va, d'après moi, dépasser les 100 millions qui étaient prévus dans les médias. Bref, le précédent record remontait au débat de 80 entre le président démocrate sortant Jimmy Carter et son adversaire républicain Ronald Reagan. Quelques 80,6 millions de personnes avaient alors regardé le débat à la télé. On rappelle qu'il y avait beaucoup moins de postes en 1980. Il y avait des postes, il y avait le câble, mais quand même moins qu'aujourd'hui avec les multiplications des chaînes. Depuis cette époque, aucun débat entre candidats à la présidence des États-Unis n'a dépassé les 70 millions de téléspectateurs, mais on s'entend que Mitt Romney, c'est plâtrard. Ensuite, encore une fois, je ratisse dans les nouvelles que vous avez peut-être vu passer, mais je trouvais ça intéressant d'en parler, que les 600 épisodes des Simpsons seraient diffusés en rafale encore une fois. L'émission Les Simpsons aura droit à un marathon télévisuel historique cet automne sur la chaîne américaine FXX, qui fait partie de la Fox Entertainment Group, alors que les 600 épisodes des 27 premières saisons de la série seront diffusés en rafale sur 13 jours. Donc, les fans des Simpsons seront servis entre le 24 novembre et le 6 décembre, alors qu'ils pourront revoir toutes les aventures de cette famille un peu dysfonctionnelle de Springfield. L'objectif de FXX, selon Entertainment Weekly, serait de battre son propre record du plus long marathon télévisuel détenu depuis 2014, alors que 552 épisodes des Simpsons avaient été diffusés en 12 jours. Évidemment, c'était des épisodes fabriqués jusqu'à ce moment-là, et on parle il y a deux ans, donc de 2014 à 2016, deux saisons d'environ 22-23 épisodes chaque. Ça nous monte à 600 pas mal exactement. La 28e saison de l'émission créée par Matt Groening a débuté récemment cet automne sur les ondes de Fox. Une nouvelle dont, honnêtement, j'ai hâte de ne plus avoir à parler de ce genre de choses-là parce que ça devrait juste devenir normal. Mais pour l'instant, on en parle encore parce que c'est dans les médias. Un enfant transgenre dans Modern Family, qui va jouer dans le prochain épisode de la populaire série Modern Family. On parle de quelle date est-ce que c'est passé, pour être sûr, 27 septembre. Donc, c'est pas passé. Ça joue quel jour? Bâtard, Modern Family, je me rappelle pas. Peu importe, un épisode récent. La réalisatrice Ryan Case a publié sur Instagram une photo d'elle aux côtés de Jackson Millarker, 8 ans, qui s'identifie au sexe masculin. Ryan Case écrit que Jackson Millarker tiendra le rôle d'un garçon nommé Tom, qui est un ami de Lily. Lily, qui est la fille d'un des deux personnages principaux, Cam et Mitchell. Le couple gay, interprété par Eric Stonestreet et Jesse Tyler Ferguson. Une porte-parole de ABC a confirmé la participation du garçon à l'épisode. Ryan Case a précisé, ça c'est la réalisatrice, que le jeune acteur était merveilleux et qu'il contribuait à son appréciation de son travail sur l'émission. Un résumé de l'épisode indique que Cam et Mitchell surprennent leur fille alors qu'elle insulte Tom et profite de ce moment pour lui donner une leçon sur l'acceptation. Donc c'est dans Modern Family qui, évidemment, si on se dirige rapidement sur le site de ABC... Je te gâche, ça va être ben trop long. Tu sais, Internet ici, ça? On n'a pas le meilleur Internet au monde. Les QTR pourraient se forcer un petit peu plus. Non, non, non. Voilà, j'abandonne déjà. On va à l'international maintenant. L'animateur Jean-Marc Morandini, qui est inculpé pour corruption de mineurs. Un célèbre animateur français, Jean-Marc Morandini, a été inculpé à Paris, notamment pour corruption de mineurs aggravée, a-t-on appris d'une source judiciaire. L'animateur, qui est l'un des piliers de la radio Europe 1 depuis 15 ans, est visé par les plaintes de deux jeunes hommes mineurs à l'époque des faits présumés en 2009 et 2013. Après deux jours de garde à vue, il a été laissé en liberté mais placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes et d'exercer une activité professionnelle en lien avec des mineurs. Jean-Marc Morandini est dans la tourmente depuis la publication à la mi-juillet d'une enquête du magazine Les Inroc, dans laquelle de jeunes comédiens décrivaient un casting scabreux organisé pour une web-série produite par l'animateur. Cinq de ses acteurs majeurs avaient ensuite porté plainte contre lui et le parquet avait ouvert une enquête préliminaire pour harcèlement sexuel et travail dissimulé. Une autre enquête a été ouverte fin juillet pour corruption de mineurs suite à deux plaintes déposées dans la foulée des révélations des Inroc, mais sans lien avec ses castings. Dans la première plainte, un jeune homme âgé de 18 ans aujourd'hui affirme que Morandini lui a fait des propositions sexuelles dans des échanges SMS courant en 2013 selon une source proche de l'enquête. Selon cette source, le second plaignant, 23 ans aujourd'hui, raconte avoir été contacté en 2009 par la société de production de Morandini pour un projet de film. Le jeune homme affirme avoir été convié au domicile de l'animateur qui l'aurait invité à poser nu pour une séance de photos. Animateur télé moqué dans les années 90 pour son ton racoleur, Jean-Marc Morandini est devenu ces dernières années en France un décrypteur redouté des médias à la radio, fort de 900 000 abonnés sur Twitter. En retrait de Europe 1, Jean-Marc Morandini doit faire son entrée sur la chaîne d'information iTélé à une date qui reste encore à confirmer et on va voir si ça a toujours lieu. On va sur Netflix. Audrey et Daisy, un nouveau documentaire choc de Netflix. Après le succès de Making a Murderer, génial série, Netflix diffuse sa nouvelle série documentaire Audrey and Daisy qui évoque deux histoires d'adolescentes violées puis humiliées sur Internet. Hein, ça vous fait pas penser à la nouvelle juste avant? C'est comme si je les avais placés pour ça. Dans la bande-annonce, les spectateurs découvrent le destin brisé de deux adolescentes américaines. L'une vient de Californie, l'autre du Missouri, et elles se sont toutes les deux fait violer puis humilier sur les réseaux sociaux. Leurs agresseurs ont été relâchés et depuis, des voix s'élèvent pour critiquer cette complaisance, d'après le documentaire qui reprend témoignages et vidéos d'époque. La série a été retenue au Festival du film Sundance de 2016 et est disponible sur Netflix depuis le 23 septembre. Pour son prochain film, Netflix envisage d'aborder l'affaire Amanda Knox, une jeune femme accusée du meurtre de sa coloc en 2007 avant d'être innocentée. Donc, dans la même lignée, sauf que celle-là, ce sera un film. Dans ce cas-ci, Audrey et Daisy, c'est une série. Netflix sait exactement quand vous devenez accro à une de leurs émissions. N'est-ce pas magnifique de leur part, ça? Donc, les gens qui regardent des séries en rafale, et bien maintenant, Netflix sait à quel épisode vous êtes devenu accro. Donc, Netflix a sorti récemment un petit infographique sur Internet. Bien sûr, on parle de l'échelle globale et l'échelle canadienne. Donc les gens deviennent accro assez rapidement. On va regarder un petit peu. Donc on parle de deux épisodes pour Stranger Things, Grey's Anatomy avec deux, The Get Down, la nouvelle série un petit peu genre afro-américaine avec deux, The Fall avec deux, Love en trois épisodes, Marseille, pourtant on n'allait pas dire que c'est un flop, trois épisodes, Narcos, Prison Break, The Ranch aussi à trois, Club de Cuervos, Making a Murderer et Master of None, ainsi que Fuller House, et Jessica Jones à quatre épisodes et Gilmore Girls à sept. J'avoue, pour avoir écouté Making a Murderer, ça commence très lentement, mais bon, tu deviens accro, ça n'a pas le choix. Sinon, pour les émissions canadiennes, est-ce qu'on avait ça plus tard dans l'épisode? Ça commence à être un petit peu plus compliqué là. Mettons Stranger Things, niveau global, deux épisodes, au Canada, trois. Rendu là, c'est pas des informations super importantes. Continuons avec Netflix qui souhaite que 50% de son catalogue soit des productions originales. Lentement mais sûrement, nous dit branchez-vous.com, Netflix veut passer de simple distributeur de contenu à véritable producteur de contenus exclusifs. Si vous appréciez les productions originales de Netflix comme Stranger Things, Orange is the New Black ou House of Cards, attendez-vous à voir de plus en plus de contenus exclusifs envahir le catalogue de Netflix. C'est du moins ce qu'a affirmé le directeur financier de l'entreprise, David Wells, lors d'une conférence organisée par la banque d'investissement Goldman Sachs. Selon lui, ses productions originales, tant les films que les téléséries, continueront d'être un mélange de contenus détenus et produits par Netflix, y compris par le biais de coproduction et d'acquisition. Mais l'entreprise se situe entre le tiers à mi-chemin de la tête de son objectif, que 50% donc de son catalogue soit composé de productions originales. Bien entendu, Netflix doit composer avec une rivalité de plus en plus féroce. Des plateformes offrant un service similaire soutenu par des télédiffuseurs qui négocient désormais leurs droits de distribution conventionnelle que pour le web, s'arrachent films et téléséries que l'on pouvait retrouver autrefois sur Netflix. Il est donc logique de voir Netflix adopter cette nouvelle stratégie, d'autant plus que, toujours selon Wells, les coûts de production de contenu ont diminué et le nombre de soumissionnaires pouvant fournir des contenus de qualité a augmenté. Il ne reste plus pour l'entreprise qu'à prendre de bonnes décisions et à accorder le feu vert aux projets qui lui semblent les plus prometteurs. Pour en juger, Netflix garde en tête les genres et préférences de chacun de ses abonnés. Wells admet cependant que la route est longue avant que l'entreprise parvienne à bien répondre à l'intégralité de ses utilisateurs. Cela dit, Netflix parvient tout de même à bien tirer son épingle du jeu. Parmi les clients qui se désabonnent de son service, environ 33 à 50% d'entre eux finissent par s'inscrire à nouveau à Netflix. On a parlé justement de compétiteurs à Netflix. Et oui, par hasard total, Xiaomi va s'éteindre parce qu'ils ne sont pas capables de compétitionner avec Netflix, malheureusement. Donc, le rideau va tomber sur Xiaomi. Et là, vous me demandez, mais qu'est-ce que Xiaomi? Ben, c'est ça. C'est pour ça que ça ferme. Rogers et Shaw ont annoncé récemment qu'ils vont fermer le service Xiaomi, S-H-O-M-I, à partir du 30 novembre. Je cite... Nous sommes très reconnaissants envers les Canadiens qui nous ont invités dans leur salon, blablabla, et qui nous ont amenés sur leur téléphone, blablabla. Donc, Rogers et Shaw ont lancé Xiaomi en 2014, initialement aux gens qui étaient inscrits à leur service câble ou télé. Depuis ce moment-là, ils ont ajouté des émissions à succès, comme The Americans Transparent de Amazon. On se demandait où les émissions d'Amazon finissaient. Ben, des fois, c'était sur Xiaomi. Des fois, c'était sur Télé-Québec. Ainsi que Mr. Robot. Xiaomi et Bell TV avec Crave ont plus tard pris de l'expansion pour devenir... pour accepter finalement les gens qui n'étaient pas abonnés chez eux. Mais le géant Netflix, évidemment, a continué de les battre et ça n'a pas fonctionné tant que ça. Netflix avait ajouté 1 million de nouveaux inscrits canadiens depuis juin 2015, alors que Crave TV et Xiaomi avaient moins d'un million de maisonnées actives au même moment. Et selon un rapport, Netflix était disponible dans 13 millions de maisonnées canadiennes. Donc quand même assez devant Xiaomi et Crave. Crave, pour l'instant, continue. Ben continue d'investir dans la programmation et dans l'innovation technologique de Crave TV, disent-ils, demandant plus de productions canadiennes comme Letterkenny et Russell Peters is the Indian Detective, dit le vice-président de la communication Scott Anderson. Rogers devrait prendre un gros coup de 100 à 140 millions de dollars étant donné son investissement dans Xiaomi dans le troisième quart de l'année. C'est triste à voir, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Une extension qui vous permet de regarder Netflix au bureau sans vous faire repérer. Qu'est-ce que ça veut dire? L'astuce consistant à se servir d'une feuille de calcul Excel pour faire l'illusion de votre productivité au bureau n'est pas nouvelle, mais c'est la première fois qu'on focalise ça sur Netflix, nous dit Uber Gizmo. Imaginez donc avoir du mal à trouver la motivation de vous lancer complètement dans votre liste de choses à faire. Si c'était le cas, sachez que vous allez pouvoir profiter d'une astuce vous permettant de continuer à regarder en rafale votre série du moment sur Netflix grâce à une extension Safari développée par un certain Arnaud Appenzeller. Le truc, c'est que l'extension en question va pouvoir jouer une vidéo en HTML5 depuis Netflix ou YouTube en s'appuyant sur le nouveau mode Picture in Picture de Mac OS Sierra, ce qui va vous obliger d'avoir un Mac quand même capable de supporter Sierra. En résumé, vous allez pouvoir lancer un fichier Excel tout propre, donner l'impression de bosser comme un fou, tandis que votre vidéo flottera sur votre travail. Vous allez même pouvoir la redimensionner et la déplacer quand vous en avez envie. Pratique, n'est-ce pas? Donc, application extension sur Safari, développée par Arnaud, A-R-N-O, Appenzeller. Allez donc voir l'article sur assemblagerequis.com, il y a trop de lettres là-dedans. Et finalement, ça n'a absolument rien à voir avec la télé, ça a rapport avec le cinéma, mais je ne l'ai pas mettre ça dans CNX, je ne l'ai pas mettre ça dans Merci Science, donc me voilà en train de la faire à la fin de Télévision. On parle du film Les Dents de la Mer, qui a été projeté dans une piscine. Le rendez-vous fut pris autant par les fans de Spielberg que sur l'expérience atypique. Le 18 septembre dernier, il a été proposé aux Strasbourgeois de redécouvrir le classique du cinéma Les Dents de la Mer au travers d'une projection très spéciale. Profitez du film dans une piscine. Confortablement installés dans une bouée géante, les curieux ont ainsi pu passer une partie de leur dimanche à frissonner devant Jaws, le thriller américain réalisé par Steven Spielberg, datant quand même de 1975. Depuis les bains municipaux de Strasbourg, réalisés dans le cadre du Festival européen du film fantastique, cette opération pour le moins originale précisait toutefois que le port du maillot de bain était obligatoire lors des deux séances. Même s'il fut possible de profiter du film depuis le balcon de la piscine, évitant ainsi de devoir prendre l'eau. C'était pas la première fois que le film était projeté dans de telles conditions. L'an passé, les Texans ont pu profiter du long métrage en prenant soleil au beau milieu d'un lac artificiel. Voilà pour Television et l'accessoire film à la fin, pourquoi pas. Les liens sont sur assemblagerequis.com. On retourne en chiptune pour entendre une pièce nommée Ambush sur le maxi Ambush EP par l'artiste 2AOX. Donc voici ça tout de suite. MPS, le Mathieu Plante show sur C'est fou. Tadam, tadam, tadam. Ah, ça vient comment? Comme un suspense au début de la chanson. Ah! We'll be right back. C'est fou. Pour l'écouter. C'est fou. Ah, ben ça ressemble donc bien à de la musique de Sonic, mais c'est pas de la musique de Sonic. Détrompez-vous, c'est de la musique de Sonic, c'est juste pas de la musique de Sonic qui existe déjà en termes de... C'est pas des jeux de Sega. Donc c'est Christian Whitehead qui travaille sur Sonic Mania, oui. Donc c'est un développeur australien qui fait des ports HD, des remakes des jeux de Sonic. Et maintenant, ben, il y a T. Lopez qui a composé la musique de Sonic Mania, qui est une nouvelle version, un nouveau jeu. En fait, ça commence à dater quand même, là, c'est plus nécessairement nouveau. Là. Mais quand même, la trame sonore est pour un nouveau jeu récent qui n'est pas par Sega. Donc Sonic Mania, c'était un mélange, mais en fait pas du tout mixé, mais un mélange de trois pièces de musique de Sonic Mania. Il y avait donc il n'y a aucun effet sonore dessus, c'est vraiment la musique qui est derrière le jeu. Il y aurait des effets sonores par-dessus. On a entendu donc l'écran titre, l'écran d'invincibilité et une pièce complète qui est un nouveau tableau qui s'appelle Studio Palace Zone. Voilà. Donc T. Lopez avec la trame sonore de Sonic Mania par Christian Whitehead. Avant ça, avant la pause, c'était Ambush sur l'album Ambush EP de 2A. Oh, X. Toujours Mathieu Planchot. Maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Commençons par les nouvelles du futur. Avec la médecine du futur, il y a un micro-robot cilié pour transporter des médicaments. Des chercheurs sud-coréens ont mis au point un micro-robot qui utilise un système de propulsion inspiré d'un protozoaire cilié, qui est donc la paramécie. Ce micro-robot contrôlé à distance pourrait à l'avenir se déplacer dans le sang et délivrer des médicaments directement au bon endroit. En général, un médicament administré par une voie traditionnelle se déplace dans tout l'organisme, même s'il est destiné à soigner un organe en particulier. C'est pourquoi les traitements médicamenteux peuvent occasionner des effets secondaires indésirables comme des nausées, des maux de tête, des diarrhées, des rougeurs dans les organes qui ne sont pas forcément la cible du traitement. Un micro-robot nageur qui apporterait directement le médicament là où il est nécessaire, au niveau par exemple d'une tumeur ou d'une artère bouchée par exemple, pourrait résoudre ce problème. Mais comment faire pour qu'un micro-robot se déplace dans le sang et dans la bonne direction? Souvent, pour résoudre un problème technique, on parle de biomimétisme, ce qui permet de trouver des approches fonctionnelles efficaces pour un coût énergétique moindre, c'est-à-dire s'inspirer par la nature. Les scientifiques du DGIST de Daegu en Corée du Sud se sont donc inspirés de ce qu'ils pouvaient trouver dans la nature pour propulser leurs micro-robots. En effet, les micro-organismes comme les bactéries, les protozoaires, sont capables de se propulser dans des fluides grâce à des systèmes spécifiques. Ainsi, la paramécie possède des cils comparables à des poils qui lui permettent de se déplacer. Dans un article paru dans la revue Scientific Reports, les chercheurs décrivent la fabrication de micro-robots ciliés inspirés de la paramécie. La structure du micro-robot a été fabriquée grâce à la lithographie laser 3D. Le robot mesure 220 micromètres de long et se déplace à une vitesse de 340 micromètres par seconde. De fines couches de nickel et de titane ont été déposées uniquement sur les cils. Par un système de bobines électromagnétiques, les chercheurs ont fait battre les cils. Ce battement produit une force de propulsion qui permet le déplacement du micro-robot grâce à l'attraction magnétique. Le micro-robot est très maniable avec des angles de variation, après le troisième coup, on va l'avoir, des angles de variation, quatrième coup, de 0 à 110 degrés et se déplace assez vite. Ces caractéristiques du micro-robot permettent d'envisager de le faire se déplacer dans des vaisseaux sanguins. L'étape suivante pour les chercheurs consistera à vérifier qu'il est biocompatible et non toxique in vivo. Et voilà. Virgin Atlantic veut fabriquer un carburant pour avion avec les rejets d'usines. On connaissait les biocarburants et les agrocarburants. Voici une nouvelle génération, les carburants alternatifs produits par récupération de déchets. Le lanzanol, réalisé à partir de gaz issu d'une aciérie, est étudié par LanzaTech et la compagnie Virgin Atlantic, qui annonce en avoir produit 5700 litres. Il doit cependant encore faire ses preuves. Depuis de nombreuses années, l'aviation est à la recherche de carburants alternatifs qui ne proviendraient plus des réserves fossiles d'hydrocarbures. Le maïs et bien d'autres végétaux comme les algues ou le jatropha, ont été mis à contribution pour produire des formulations diverses, venant compléter le kérosène Jet A1 pour les aviateurs, voire le remplacer. Le kérosène Jet A1. Mais ces agrocarburants ont leurs limites, surtout ceux dits de première génération, tirés des céréales et venant donc concurrencer des productions vivrières. Depuis 2011, une entreprise américaine, LanzaTech, collabore avec la compagnie aérienne Virgin Atlantic pour mettre au point un carburant qui serait produit à partir des gaz émis par différents sites industriels, en particulier des aciéries, et qualifié de bas carbone. Riche en dioxyde de carbone, le CO2, en monoxyde de carbone, le CO, en hydrogène, le H2, en méthane, CH4, et en disulfure d'hydrogène, le H2S. Ces émanations sont des polluants et représentent aussi une injection de carbone dans l'atmosphère. C'est aujourd'hui fait, donc la bactérie qui fabrique de l'alcool, affirme la société, qui a produit 1500 gallons US, donc 5678 litres de lanzanol dans une usine chinoise. Le procédé passe par l'aimable collaboration d'une bactérie anaérobie qui vit donc sans oxygène, Clostridium autoéthanogenum. Elle conduit une forme de fermentation qui produit de l'éthanol, qui est l'alcool de nos boissons. Je cite, c'est la voie métabolique ancestrale des micro-organismes qui vivaient sur Terre avant que l'atmosphère ne devienne riche en oxygène, commente en substance LanzaTech dans une présentation de son procédé. Cet éthanol peut être directement utilisé comme carburant, mais peut aussi servir à synthétiser des hydrocarbures pour conduire à un équivalent du Jet A1, le nom du gaz de tout à l'heure, baptisé AT-J pour Alcohol to Jet. Peu prolixe sur les détails et le prix de revient de ce carburant, LanzaTech explique qu'il pourrait réduire de 65% les émissions de carbone dans l'atmosphère par rapport au Jet A1. À l'échelle mondiale, l'entreprise estime que les deux tiers des aciéries pourraient être équipées d'une unité de récupération des gaz. La production atteindrait 16 milliards de litres, soit 20% de la consommation annuelle de l'aviation. Pour l'instant, ce carburant n'a pas été validé, n'a encore jamais volé. LanzaTech explique seulement que des tests de performance ont été menés et qu'ils sont positifs. Un vol est espéré en 2017. Les essais de carburant alternatif n'ont pas manqué, ces dernières années, mais aucun n'a franchi toutes les étapes qui mèneraient à une généralisation de l'aviation civile mondiale. Deux CubeSats, on va dans l'espace, à destination de la Lune, avec de l'eau comme carburant. Le doux rêve de l'eau utilisée comme carburant va peut-être devenir réalité sur Terre, c'est du moins le but d'une équipe d'étudiants de l'Université de Cornell, les 6 Lunar Explorers qui font le pari, d'envoyer à destination de la Lune deux CubeSats dont le système de propulsion fonctionnerait à l'eau. Pour voir émerger des solutions innovantes dans le domaine de l'exploration spatiale. Non, pas l'exploration faciale. Ça, c'est Oil of Olay, je pense. Et intéressé étudiants et ingénieurs américains à la chose spatiale, la NASA a mis sur pied le concours CubeQuest Challenge. L'idée est de faire émerger des solutions innovantes qui seront mises en pratique avec des CubeSats. Doté de 5 millions de dollars en prix et réparti en plusieurs lots, ce concours permettra également à 3 projets de faire voler dans l'espace ou à destination de la Lune leurs petits satellites. Ils seront tous lancés en 2018 à bord du futur lanceur lourd de la NASA, le SLS, lors de son vol inaugural qui emportera le véhicule Orion pour son deuxième vol d'essai inhabité. Parmi les prétendants à ce challenge, on citera le projet Water Propelled CubeSat to Orbit Moon, porté par une équipe d'étudiants de l'Université Cornell et épaulé par Mason Peck, un ancien de la NASA et professeur agrégé de génie mécanique et aérospatial, donc les 6 Lunar Explorers. Elle fait deux paris d'être la première à envoyer un CubeSat autour de la Lune et de tester avec succès un système de propulsion fonctionnant avec de l'eau. Un défi assurément audacieux. Prouver la capacité à utiliser les ressources disponibles sur d'autres objets du système solaire et ainsi mettre fin à notre dépendance à l'égard des technologies liées à la Terre pour l'exploration, ce qui serait un pas énorme pour la conquête de l'espace. Ah, les phrases longues! Cette émission prévoit le lancement de deux CubeSats en forme de L. L'idée de ces étudiants est quand même simple, dit-on, dans l'article de Futura Science, c'est simple pour eux autres. Avec de l'énergie produite par le soleil, l'eau stockée dans les réservoirs des CubeSats situés au fond du L serait décomposée en gaz d'hydrogène et d'oxygène, un mélange utilisé pour lancer l'Ariane 5 de Ariane Space. Dans le cas de ces deux CubeSats, la combustion ne sera évidemment pas continue, sinon quelle révolution technologique, mais saccadée avec des intervalles de 30 à 60 minutes. Lors de son vol inaugural, le SLS emportera 10 autres CubeSats aux objectifs tout aussi audacieux liés pour l'essentiel à l'exploration de la Lune. On citera en exemple NEA Scout qui utilisera une voile solaire pour rejoindre un astéroïde. BioSentinel qui exposera l'environnement spatial des cultures, donc des spores et autres levures, pour étudier leur évolution sur le long terme au cours de voyages spatiaux. Et aussi Lunar Ice Cube qui ira chercher de l'eau au fond des cratères lunaires du pôle sud. Luna H Map qui aura pour mission de cartographier la présence d'hydrogène sur la face cachée de la Lune et dans les cratères du pôle sud. Premier séquençage de l'ADN dans l'espace à bord de l'ISS. Pour la première fois, de l'ADN a été séquencé dans l'espace. Cette innovation pourrait permettre à l'avenir de suivre les microbes présents dans la Station spatiale internationale ou de diagnostiquer des maladies chez les astronautes. Minion, oui, Min-Ion, comme ce jeu de mots avec Minion et Ion, un ion, est un outil de séquençage développé par l'entreprise Oxford Nanopore Technologies et disponible dans le commerce. Ce séquenceur portable a permis de réaliser le premier séquençage d'ADN réalisé dans l'espace. Le principe de cet appareil consiste à envoyer un courant ionique positif à travers de minuscules pores percés dans des membranes. En même temps, est envoyé un fluide contenant l'ADN. En bloquant partiellement les nanopores, ces longues molécules modifient le courant d'une façon qui dépend de la suite de base qu'elles portent. Attends un peu. En bloquant partiellement les nanopores, ces longues molécules modifient le courant d'une façon qui dépend de la suite de base qu'elles portent. Donc les lettres du code génétique, ce qui permet donc le séquençage. Au cours de l'été 2016, l'astronaute de la NASA, Kate Rubins, a séquencé pour la première fois de l'ADN dans la Station spatiale internationale. Une des questions posées avant cette expérience était de savoir comment la microgravité affecterait le mouvement des fluides dans le séquenceur. Un des enjeux concernait la formation de bulles sur Terre. Un des enjeux concernait la formation de bulles parce que sur Terre, elles montent et peuvent être supprimées par centrifugation, mais en micro-pesanteur, leur comportement est imprévisible. Pour ce premier séquençage dans l'espace, les échantillons ont été préparés sur Terre. Minion a permis de séquencer des échantillons d'ADN de souris, de bactéries et de virus. À l'avenir, ce séquenceur portable pourrait servir au diagnostic de maladies chez les astronautes, à la surveillance microbiologique de la nourriture présente dans la station ou à l'identification de microbes dans l'environnement. Une autre application vient aussi à l'esprit, c'est le séquençage des formes de vie extraterrestre, sous réserve qu'elles possèdent évidemment un ADN. La téléportation quantique a été testée en pleine ville. Deux équipes, l'une canadienne et l'autre chinoise, viennent de réussir une téléportation d'état quantique entre des photons éloignés. La différence avec les succès précédents, qui sont nombreux d'ailleurs, est l'utilisation de fibres optiques. de réseaux interurbains existants. Ces deux expériences démontrent la possibilité d'une sécurisation des échanges de données sur Internet grâce à un cryptage quantique. Depuis des années, les informaticiens s'acharnent sur le stupéfiant phénomène de l'intrication quantique. Si deux particules sont intriquées, explique la physique quantique, alors une mesure sur l'une affectera instantanément l'état de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Dans cette phase, deux mots surprennent, affectera et instantanément. Comment, nous demande ici Futura Science, comment une particule peut-elle être affectée par une mésaventure survenue à une autre avec laquelle elle n'a pas d'interaction? Et comment cet effet peut-il être transmis sans délai? Parce que les particules sont des choses étranges et délocalisées et pas des objets matériels qui ont l'obligeance de rester à leur place dans l'espace, répondent les physiciens. Quant à l'instantanéité qui semble contredire Einstein, elle ne signifie pas qu'une information a été transmise à vitesse infinie. Tant qu'une mesure n'a pas été faite sur l'une ou l'autre des particules, rien ne se passe. Il n'y a pas de signal transmis de l'une à l'autre. Cet étrange phénomène a pris le nom de téléportation, par référence bien sûr à la série Star Trek qui a dû passionner beaucoup de futurs scientifiques, mais l'expression est abusive puisqu'il n'y a pas de voyage de matière comme dans le transport d'équipage du vaisseau Enterprise. Il n'y a de téléportation que d'état quantique. Pour un non-physicien, tout ça est nébuleux, mais les informaticiens y ont vu une application possible, c'est-à-dire de créer une paire de photons intriqués et envoyer l'un d'eux lors d'une communication entre deux ordinateurs. Si le message est lu par un espion, la particule intriquée sera modifiée, prouvant que l'échange a été intercepté. Ce serait le meilleur moyen, disent-ils, pour sécuriser la transmission d'une clé de cryptage. Cette possibilité envisagée en 93 a été démontrée en 97 au laboratoire, mais dans la pratique, l'exercice est toujours difficile à plus grande échelle. C'est donc une suite de distances toujours plus grandes qui ensuite émaillit cette affaire de téléportation d'état quantique avec un record qui tient toujours, c'est-à-dire de 143 km entre La Palma et Tenerife, deux îles des Canaries en 2012. En 2014, l'équipe suisse en a effectué une avec une distance totale de 25 km avec un progrès notable. C'est-à-dire que l'état quantique du photon modifié a été transmis via son jumeau à un cristal, donc à un système physique différent. Comme l'avait expliqué Nicolas Gissin, l'un des auteurs, ce passage correspond à une forme de mémorisation, très éphémère mais bien plus longue que la minuscule durée de vie des phénomènes à l'échelle d'un photon. De quoi envisager de réaliser un jour les répéteurs qui permettraient d'augmenter les distances franchissables. Beaucoup de travail donc reste à faire et deux équipes, une canadienne et une chinoise, viennent avec des techniques différentes d'en franchir une autre, utiliser des fibres classiques d'un réseau de télécommunications où le signal est confronté à de multiples obstacles possibles. Celui de Calgary en Alberta au Canada pour Wolfgang Tittle sur 6,2 km et celui de Haifa pour Yan Wing-Wing-Pan et ses collègues sur 12,5 km. La technique canadienne, explique ses auteurs, qui publie dans la revue Nature Photonics, est classique avec un tiers, il en faut toujours un, nous dit-on, situé plus près du destinataire, lequel effectue l'intrication de deux photons, tous deux émis sur des fibres optiques. En revanche, la distance entre les deux personnes en communication n'importe plus. Selon Wolfgang Tittel, cité par le New Scientist, leur réussite montre la faisabilité de répéteurs, qui étendrait aussi loin que l'on souhaite, la téléportation quantique. L'équipe chinoise, elle, dont l'article est paru dans la même revue, a fait réaliser l'intrication par un tiers situé entre les deux locuteurs. Son principe démontre qu'il est possible de transmettre ces informations quantiques à l'échelle d'une ville. Pour l'instant, ces prouesses demeurent toutefois expérimentales, avec des quantités d'informations échangées qui restent bien trop faibles. Il faudra donc des années avant de les concrétiser et permettre des systèmes de cryptage qui résisteront aux futurs ordinateurs quantiques, dont on dit qu'ils seront capables de casser n'importe quelle clé. Un surprenant rayon tracteur qui déplace des objets grâce aux ultrasons. Un peu dans le même principe, pas le même principe, mais le même genre d'idée, tiens. Il y a quelques mois, des chercheurs du Royaume-Uni associés à une jeune pousse faisaient sensation en annonçant avoir trouvé le moyen de déplacer des objets millimétriques en se servant uniquement d'ondes sonores. Selon eux, ce rayon tracteur pourrait un jour servir de nombreuses applications, notamment pour la diffusion de traitements médicaux ou pour manipuler des matériaux délicats ou dangereux. Aujourd'hui, une équipe allemande propose de mettre en œuvre le même type de rayon tracteur, mais de façon bien plus simple. Un hologramme, c'est le résultat d'un schéma d'interférence entre des ondes. Et finalement, qu'il s'agisse d'ondes lumineuses ou d'ondes sonores, le principe reste le même. L'intérêt de l'hologramme acoustique, c'est notamment qu'il peut, dans la théorie, permettre de manipuler des objets sans avoir à les toucher. L'inconvénient, c'est qu'il était jusqu'alors plutôt compliqué à créer, mais des chercheurs du Max Planck Institute for Intelligent Systems et de l'Université de Stuttgart en Allemagne proposent aujourd'hui une solution étonnamment simple pour y parvenir. Laissez-moi douter du fait que ça va être si simple que ça à expliquer à Radio. Là où leurs collègues font appel à une batterie de transducteurs subtilement accordés afin de produire le profil d'onde souhaité, les chercheurs allemands n'ont besoin que d'un seul transducteur, d'une imprimante 3D et d'un morceau de plastique. Jusque-là, ça va quand même bien. Alors que les ultrasons émis par le transducteur traversent le morceau de plastique préalablement façonné à l'aide d'une imprimante 3D, il apparaît des retards de phase fonction de l'épaisseur de matière traversée par les ondes. Ça devient compliqué. Donc, je cite, « Nous sommes surpris que personne n'ait eu cette idée avant nous. » L'équipe a notamment fait la démonstration de son idée en faisant se déplacer des microparticules à la surface de l'eau afin qu'elle forme l'image de la célèbre colombe de la paix de Pablo Picasso. Elle est aussi parvenue à faire se déplacer des objets en plastique le long d'un parcours défini ou à faire léviter des gouttes d'eau. Quand même, hein? Allez voir le reste de l'article sur assemblagerequis.com pour en savoir plus. Un ingénieur anglais s'opère lui-même pour enlever une suture. L'histoire de Graham Smith est assurément hors du commun. Cet ingénieur anglais vivait depuis plus de 15 ans avec une suture de 20 cm dans l'abdomen, conséquence d'une opération des intestins. La douleur était aujourd'hui insupportable à tel point que l'homme décida de s'opérer lui-même pour l'enlever. Je cite pas pour l'instant. L'hôpital qu'il avait opéré, le Aintree Hospital à Liverpool, l'avait reçu en consultation, un rendez-vous qui avait été pris puis rapidement annulé. Je cite, j'avais essayé de le faire par les voies normales, mais j'ai fait une septicémie. Je n'ai pas pris la décision à la légère, j'étais désespéré, mais il fallait que je m'en occupe. Je n'avais pas l'intention de m'asseoir et d'attendre ma mort en étant sur une liste d'attente. Septicémie, qui veut dire. C'est un sepsis, c'est une infection généralisée de l'organisme d'origine bactérienne. Elle se manifeste par des décharges répétées de germes pathogènes dans le sang à partir d'un foyer infectieux. La septicémie peut mener, dans les cas les plus graves, à un choc septique. Bref, il dit « Je suis ingénieur spécialisé, je fais ce travail que de nombreuses personnes ne peuvent pas faire, mais je ne suis pas chirurgien, alors ne faites pas ça chez vous. » Graham Smith est allé même jusqu'à concevoir les instruments lui-même, adapté d'instruments en titane donnés par un ami dentiste. Il fallait qu'il les adapte pour ôter certains points. Je cite, je ne pouvais pas tout simplement tout couper, ça aurait pu se rétracter, j'aurais eu de sérieux problèmes. Il fallait que j'enlève les points un par un. Il fallait donc que je fabrique des outils pour le faire. Je suis un nouvel homme, dit-il. Encore une fois, ne pas faire ça à la maison. Justement, pour faire ça à la maison, peut-être allez-vous pouvoir un jour gérer au moins vos maladies chroniques grâce à une tablette. Les personnes atteintes d'une maladie pulmonaire obstructive chronique, ce qu'on appelle les MPOC, comme une bronchite ou de l'emphysème, pourront désormais profiter de services de télésoins à domicile. À partir de leur tablette électronique ou de leur ordinateur, il leur sera possible de discuter rapidement avec une équipe d'inhalothérapeutes. Les résultats encourageants d'un projet pilote mené auprès de 300 personnes, ont incité le CIUS de l'Estrie, le CHUS, à offrir le service à toute la population souffrant de ces maladies. Je cite, la petite révolution, c'est que ce ne sont pas des services offerts sur une très longue période, c'est sur une période de 4 à 6 mois. L'objectif, c'est l'apprentissage. Ce qu'on veut, c'est que les gens acquièrent des connaissances et développent des compétences afin de gérer leur maladie, insiste la coordonnatrice de la télésanté pour le CIUS de l'Estrie-CHUS. On dirait une sorte de, je sais pas, de gomme, à savoir le CIUS de l'Estrie-CHUS. C'est délicieux. Le service de télésoins à domicile vise principalement à réduire les hospitalisations. Selon la première évaluation du programme, les usagers sont davantage motivés à autogérer leur maladie. L'usager et ses proches ont ainsi accès à une bibliothèque de santé virtuelle qui met de l'avant des capsules éducatives. Pour l'une des inhalothérapeutes participant au programme, la mission éducative de ce service est attendue car les patients sont justement plus aux aguets des symptômes d'aggravation de leur maladie. En Estrie, les maladies pulmonaires obstructives chroniques touchent près de 20% des personnes âgées de 65 ans ou plus. On reste dans la santé. Les bracelets connectés ne permettent pas de perdre du poids. Êtes-vous surpris? Pour vrai, les bracelets électroniques et bracelets connectés qui n'aident pas par eux-mêmes à perdre du poids. Donc, ces bracelets sont à la mode et se déclinent en différentes couleurs, sont présentés comme un outil pour vous aider à être en forme, mais une nouvelle étude suggère qu'ils n'apportent aucun bénéfice pour perdre des kilos en trop. Pratique et léger, les bracelets connectés se veulent à la fine pointe de la technologie, poursuivre votre santé physique et vous inciter à bouger, mais ces bijoux de technologie moderne sont-ils efficaces pour perdre du poids? Des chercheurs de l'Université de Pittsburgh ont réalisé une étude sur 2 années avec 470 personnes obèses ou en surpoids, dont l'IMC était compris entre 25 et 40. Âgés de 18 à 35 ans, les volontaires étaient surtout des femmes à 77%. Les participants suivaient un régime faible en graisse, et avaient pour consigne d'augmenter leur activité physique. Ils se rendaient également à des sessions de conseil de groupe. Au bout de 6 mois, ils ont été séparés en 2 groupes, 233 personnes qui avaient un suivi de leur alimentation et de leur activité physique, et les 237 autres ont utilisé un tracker d'activité FitCore de la compagnie Body Media. D'après les résultats parus dans American Medical Association, ceux qui ont utilisé le tracker d'activité ont perdu moins de poids, 3,5 kg que les autres à 5,9 kg. Le tracker d'activité n'améliorait pas la perte de poids, mais dans les deux groupes, la composition du corps, l'alimentation et l'activité physique s'amélioraient. Il faut noter que cette expérience a été réalisée entre octobre 2010 et octobre 2012 avec des trackers d'activité placés à l'avant-bras et non pas au poignet, qui sont peut-être plus efficaces. L'étude ne le dit pas. Pour expliquer les résultats, John Jukisic, principal auteur de ces travaux, suggère que les bracelets d'activité fournissent un faux sentiment de sécurité. Conséquence, ceux qui les portent ne prêteraient pas suffisamment attention à leur comportement en comptant trop sur la technologie, ce qui a tout à fait du sens, n'est-ce pas? Et pour terminer notre chronique Merci Science, comment gagner des dizaines de milliers de dollars en restant au lit pendant 2 mois? Si vous aimez passer vos journées au lit, donc c'est une info qui pourrait vous plaire. La Clinique spatiale de Toulouse recherche des volontaires pour une étude un peu particulière. Votre mission consistera à rester 60 jours allongés. Une étude qui sera rémunérée 16 000 euros et qui vaut donc la peine de vérifier votre agenda pour bloquer 88 jours en janvier 2017 ou en septembre 2017. Il y a deux groupes. Donc voici comment postuler. L'étude va se dérouler au CHU de Toulouse et à l'Institut de médecine et de physiologie spatiale, le MEDES. Elle nécessitera 88 jours d'hospitalisation, dont 60 jours de simulation d'impesanteur, donc coucher tête plus basse que les pieds. Ça doit être particulièrement déplaisant. L'objectif est d'étudier chez les hommes en bonne santé les mécanismes d'adaptation de 60 jours, de microgravité simulée et les effets d'une association de compléments alimentaires antioxydants et anti-inflammatoires sur l'organisme. Les 14 premiers jours permettront de réaliser les mesures de base, puis suivront 60 jours d'allaitement, être au lit, donc l'allaitement. Et les 14 derniers jours seront dédiés au recueil des mesures post-allaitement et la récupération. Cette étude élimine d'entrée de jeu la moitié de la population, puisqu'évidemment, il faut être un homme, il faut avoir entre 20 et 45 ans, être sportif, il faut pas être fumeur, il faut avoir un indice de masse corporelle entre 22 et 27. De plus, il ne faut pas avoir d'allergie ni de restrictions alimentaires. Il reste plus grand monde. Mais comme on disait tantôt, l'étude est indemnisée à 16 000 euros, mais le versement sera réparti sur 4 ans. Si vous êtes intéressé, allez voir le numéro de téléphone. C'est un numéro de téléphone français avec beaucoup trop de chiffres. Là. Le 05 62 17 49 50 ou le 05 62 17 49 65 pour plus d'informations ou remplissez le formulaire sur le site du MEDES au MEDES.fr. En participant à ce genre d'études, vous faites avancer la science à votre niveau. Vous apportez votre pierre au voyage spatial de longue durée. Hein? Et vous allez faire un voyage en France en plus, pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour Merci Science. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Oui, maintenant, on a en musique chiptune Fat Bastard, qui nous présente une trame sonore pour un jeu indie qui s'appelle Blitzbreaker. Donc, j'ai choisi la pièce. En fait, la pièce qui ouvre la trame sonore de Blitzbreaker par Fat Bard. Voici. C'est pas mal classe, c'est Blitzbreaker. Rien à dire de plus que ça. Blitzbreak, c'est quand même ça, il me semble. MPS, le Mathieu Blanchot. Ah, c'est fou! c'est pour l'écouter. 89.1. We'll be right back. trois pièces du jeu indie Blitz Breaker par Fat Bird. On a entendu, ça c'était World 1-1 Baby Steps. Avant ça, c'était Level Select. Et avant ça, c'était la pièce d'introduction qui s'appelle Blitz Breaker. Voilà. Donc, trois petites pièces avant et après la pause. Toujours Mathieu Planchon. Maintenant, c'est le segment Geek CDX. CDX, c'est la chronique de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. On parle de technologie, on parle d'informatique, on parle de jeux vidéo. Commençons par une technique d'imagerie qui révèle la plus vieille copie d'un texte de l'Ancien Testament. Une nouvelle technique d'imagerie numérique en 3D qui a permis de révéler la plus ancienne version d'un manuscrit du Vieux Testament datant d'au moins 15 siècles, qui est trop endommagé et fragile pour être déroulé, ouvrant ainsi une nouvelle fenêtre sur le passé et ses secrets. Une équipe de recherche américano-israélienne a pu déterminer que ce document fait de peau d'animal était la plus vieille version du Lévitique et le troisième des cinq livres de Moïse, la Torah, dont il contient les deux premiers chapitres. Leur découverte est publiée dans la revue scientifique américaine Science Advances. Quand c'est descriptif comme nom de magazine. Ces chercheurs américains et israéliens ont pu produire virtuellement une image du document entièrement déroulé, montrant un texte de 35 lignes dans chaque colonne, dont 18 étaient préservées et 17 ont été reconstituées. Le manuscrit qui ne pourra jamais être vu dans son, ne pourra jamais être ouvert, vu son mauvais état, a été mis au jour en 1970 lors de travaux d'excavation à la synagogue d'Ain Gedi en Israël, près de la rive occidentale de la mer Morte. Toute la structure principale du document était brûlée et écrasée et continuait à se désintégrer chaque fois qu'on y touchait, expliquent les chercheurs. En lisant le manuscrit, je cite, « Nous avons été frappés par le fait que certains passages sont identiques dans le moindre détail calligraphique et l'organisation des sections au texte massorétique qui fait autorité au sein du judaïsme », a expliqué lors d'une conférence de presse téléphonique Michael Segal, directeur de la faculté de philosophie et de religion à l'Université hébraïque de Jérusalem. Mais ce document ne nous indique pas comment était le texte original, dit-il. L'expert souligne que cette version des deux chapitres du troisième livre du Lévitique, d'Ain Gedi, représente le texte biblique le plus complet et le plus significatif de l'Antiquité mis au jour depuis la découverte des manuscrits de la Mer Morte. Wow. Pardonnez-moi. Ma gorge commence à avoir de la difficulté. Maintenant, oui, c'est ça, la semaine passée, je voulais dire qu'on avait parlé d'un livre qui serait lu sans avoir à ouvrir le livre. Et là, on parle d'un rouleau roulé. Lui sans avoir à dérouler le rouleau. C'est incroyable. Peut-être qu'un jour on pourra gagner à dérouler le rebord pour gagner sans dérouler le rebord pour gagner. Un soutien-gorge connecté pour les sportifs conçu à Montréal. Une nouvelle ronde de financement de 10 millions de dollars américains permettra à l'entreprise québécoise OM Signal, spécialisée dans les vêtements connectés, de commencer à vendre un produit destiné exclusivement aux femmes pratiquant la course à pied. Établie à Montréal, l'entreprise estime que son soutien-gorge intelligent Umbra, lui, c'est comme un ombre mais Umbra, lui permettra de se tailler une place de choix dans un marché de plus de 35 millions de personnes aux États-Unis seulement. Muni de capteurs biométriques, le soutien-gorge Umbra enregistre une multitude de données comme le rythme cardiaque et respiratoire pour ensuite les transmettre à l'application sur le téléphone intelligent de l'utilisatrice, uniquement des iPhones pour le moment. On estime que ce produit est moins gênant pour les coureuses que d'avoir un bracelet connecté ou une montre intelligente au poignet. L'entreprise qui vend aussi des chandails connectés de sport pour hommes depuis 2014 travaille depuis plus de 2 ans sur ce soutien-gorge présenté au public en janvier à Las Vegas dans le cadre d'un salon international de l'électronique, j'imagine le CES. Déjà, OM Signal dit avoir reçu plus de 10 000 manifestations d'intérêt. Ce soutien-gorge pourrait également attirer l'attention de grands manufacturiers de vêtements de sport comme Nike, Under Armour et Adidas. Au cours des 6 prochains mois, l'entreprise montréalaise compte déployer des efforts pour la mise en marché de son nouveau produit qui se vend au prix de 189 $ et qui comprend un boîtier connecté ainsi qu'un chargeur USB. Chaque soutien-gorge supplémentaire se vend 79 $. À terme, OM Signal n'écarte pas d'éventuels partenariats avec d'autres grands joueurs du secteur des vêtements de sport. Pour l'instant, il est seulement possible pour les coureuses d'enregistrer leurs données biométriques lorsqu'elles se trouvent à l'extérieur. Une mise à jour de l'application prévue en novembre devrait permettre de remédier à cette situation. Et de plus, une application pour appareil Android devrait être disponible au début de 2017. Des millions pour 3 technos montréalaises, on reste dans le coin quand même. 3 jeunes entreprises montréalaises pourront continuer de croître après avoir reçu des investissements totalisant près de 25 millions de dollars. Le chèque le plus important pour 10 millions de dollars américains a été reçu par Flatbook, qui changera aussi de nom pour devenir Sonder. Fondé en 2013, Flatbook offre aux voyageurs des appartements qui sont entretenus comme dans des chambres d'hôtel et consacrés exclusivement à la location. C'est un genre de Airbnb, mi-chemin avec un hôtel, disent-ils. Elle bâtit ses espaces des Hometel. Que c'est joli, un jeu de mots, j'aime ça. Home et Hotel, mis ensemble. En compte présentement plus de 500 à Montréal, Boston, Chicago, Vancouver, San Diego et Los Angeles. En juillet dernier, un sondage réalisé par la presse auprès de 7 importants investisseurs montréalais a investi l'entreprise parmi les 10 plus prometteuses de Montréal. C'est Spark Capital, un fonds de San Francisco, qui est le principal investisseur de cette ronde, qui équivaut à environ 13 millions de dollars canadiens au taux de change actuel. L'investissement a été conclu en février, mais ne doit officiellement être annoncé que là, cette semaine, en même temps qu'un changement de nom. Le nom Flatbook, dit-on, était trop transactionnel à cause de book et incompris parce que flat, pour désigner un appartement, est employé seulement au Royaume-Uni, dans les pays avec une langue basée sur la langue britannique, mais pas en Amérique du Nord, où flat veut juste dire plat et ennuyant. Donc, Thunder a été sélectionné en raison de ses connotations en allemand, où il signifie unique et spécial, et en français, on dit sonder un terrain ou explorer. Donc, c'est ce qu'ils disent, et j'avoue que le nom Thunder est quand même assez joli, assez catchy. Montréal, Boston, Chicago, Vancouver ont constitué les 4 premiers marchés de Flatbook et sont aujourd'hui rentables, disent-ils. Depuis la fondation, l'entreprise a changé de son modus operandi. Plutôt que de sous-louer pendant quelques mois les appartements désertés par les étudiants pendant l'été, par exemple, pour les relouer à son tour à court terme, elle s'entend maintenant directement avec les propriétaires immobiliers. Ce changement signifie entre autres que l'entreprise doit maintenant elle-même fournir le mobilier à l'occasion, ce qui fait augmenter ses besoins en capitaux. Elle entend maintenant développer au cours des prochains mois les marchés de Miami, Toronto, New York et San Francisco. Le reste des détails sont sur assemblagerequis.com. Il y a aussi un petit peu plus d'argent pour District M et pour l'application Montréalaise Transit, l'application de bus et autres transports en commun. Snapchat va lancer ses premières lunettes connectées. Le service américain de messagerie Snapchat a annoncé le lancement prochain de ses premières lunettes connectées équipées d'une caméra miniature baptisée les Spectacles. C'est le nom qu'on donne des fois à des lunettes, mais aussi à un spectacle en français. Elles marqueront la première incursion dans les produits électroniques du groupe américain qui a parallèlement changé de nom pour devenir Snap. Donc, ces lunettes de soleil connectées par Bluetooth ou par Wi-Fi permettront d'enregistrer ces clips de 10 secondes avec un angle de vue de 115 degrés et de les transférer automatiquement sur la messagerie Snapchat pour les partager. Le groupe prisé pour ses messages qui disparaissent après lecture cible résolument une clientèle jeune avec ses lunettes rondes au design fantaisiste qui seront disponibles en 3 couleurs. Dans son communiqué, Snap assure que ce nouveau produit sera disponible à la vente bientôt. Plusieurs médias américains évoquent une sortie à l'automne. Le géant Google avait été le premier à lancer des lunettes interactives, les Google Glass, mais avait dû annoncer la fin de leur mise en vente en janvier 2015, faute d'avoir séduit les consommateurs. Comment? Parce que c'était lettre. Fondé en 2011, des revendiquant plus de 100 millions d'utilisateurs quotidiens, Snapchat a accompagné son virage stratégique d'un changement de nom. Selon un communiqué, maintenant qu'ils développent d'autres produits comme Spectacles, ils ont besoin d'un nom qui ne se limite pas à un seul produit, indique le groupe qui s'appelle maintenant Snap. Un signal sans fil pour détecter vos émotions. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont développé un système capable de détecter les émotions des gens par l'entremise de signaux sans fil. L'équipe du MIT cherchait d'abord à comprendre comment extraire de l'information à partir des émotions et de l'état de santé d'un individu sans qu'il ait à porter un appareil ni à l'exprimer directement. Le défi est captivant, mais il soulève aussi toute une question éthique, celle de la collecte de ces données. Sans le consentement de la personne, certains experts juristes indiquent même que les lois actuelles ne sont pas adaptées à ce genre de situation d'intrusion. Le système s'appelle EQ Radio. Il génère un signal sans fil de faible intensité et mesure ensuite le temps que ce dernier prend pour rebondir sur différentes surfaces. Ce temps varie selon toutes sortes de variables, oui, l'inspiration, l'expiration, le battement de cœur. Le mouvement humain est d'ailleurs facilement perceptible pour le système qui peut distinguer un objet animé d'un objet inanimé. Ce système peut ensuite apprendre à distinguer divers battements de cœur comme le ferait un électrocardiogramme traditionnel. De possibles applications médicales sont d'ailleurs à l'étude. Le patient n'aurait ainsi rien à faire, aucun appareil à porter, aucun examen à subir et les données de sa respiration et de son battement cardiaque seraient transmises directement au médecin. Dans ce cas-ci, les mesures du cœur et de la respiration sont colligées et comparées entre elles par une machine qui accumule les données relatives à la colère, à la joie, à la tristesse selon ces deux paramètres. Le système EQ Radio a eu raison dans 87% des cas dans la phase d'expérimentation de la machine. Donc, on parle des applications pour un système comme celui-là et des dangers du non-consentement sur assemblagerequis.com. J'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus. Ensuite, des chercheurs prennent le contrôle à distance d'une Tesla. Des spécialistes en sécurité annoncent avoir découvert une faille dans une Tesla Model S. Ces chercheurs chinois, qui précisent qu'ils ont été en mesure de prendre le contrôle à distance d'un véhicule. Plusieurs chercheurs en sécurité indiquent avoir découvert une faille de sécurité de la Tesla Model S. Ils sont parvenus à accéder à de nombreuses informations contenues dans le véhicule en utilisant une faille visible dans le navigateur présent dans le système embarqué de la voiture. Ces spécialistes chinois ont même réussi à aller plus loin dans le hack de l'automobile. Dans une vidéo, ils montrent comment ils ont pu prendre le contrôle à distance de la Tesla. En roulant, les freins peuvent être actionnés, tout comme d'autres fonctions telles que l'ouverture du coffre, le lancement des essuie-glaces, etc. De son côté, Tesla a tenu à minimiser la portée de cette découverte. Dans un communiqué repris par The Verge, la marque automobile s'est rappelée que cette attaque ne peut être réalisée uniquement lorsque le conducteur utilise le navigateur et qu'il est connecté à un réseau Wi-Fi. Sur la route, ça n'arrive pas vraiment. Pas couramment, en tout cas. De même, une mise à jour de sécurité aurait d'ores et déjà été éditée et diffusée. On reste dans les transports où les drones pilotés à 60 km de distance sont pilotés, oui, à 60 km de distance grâce à un smartphone avec 4G. Au Japon, une équipe issue de l'université de Chiba a réussi à piloter un drone à une distance de 60 km à partir d'un smartphone connecté sur le réseau 4G LTE de l'opérateur NTT Docomo. Une avancée qui pourrait favoriser l'usage des drones dans plusieurs secteurs tels que la sécurité ou la livraison. Actuellement, la portée d'un drone piloté par le signal radio d'une télécommande, donc 2,4 GHz ou d'un smartphone, se situe aux alentours d'un kilomètre. Mais les chercheurs japonais ont réussi à augmenter considérablement cette distance. Le quotidien Nikkei rapporte en effet que la jeune pousse Autonomous Control Systems Laboratory, issue de l'université de Chiba, arrive à faire voler des drones à situer à 60 km de distance depuis un smartphone connecté au réseau LTE de NTT Docomo. Pour le moment, on dispose de très peu d'informations techniques sur le fonctionnement du système. On sait simplement que le test a impliqué un drone qui se trouvait dans le centre de recherche et de développement de NTT Docomo à Yokosuka, dans la préfecture de Kanagawa, et était piloté depuis la ville de Chiba, située donc à 60 km de distance à l'est de Tokyo. L'engin est capable de retransmettre les images et les données sur les conditions de vol, mais on ignore tout du temps de latence entre le moment où la commande est envoyée et son application par le drone. L'idée est qu'à terme, il soit possible de déployer des services utilisant des drones contrôlés sur de longues distances sans avoir à investir dans une infrastructure de communication coûteuse. Cela pourrait être le cas, par exemple, pour des sociétés chargées de la surveillance de bâtiments ou de livraison par drone, qui pourraient ainsi gérer depuis un centre de commandement une flotte d'appareils répartis sur divers sites dans un périmètre de plusieurs dizaines de kilomètres. Toutefois, la technologie n'est pas encore finalisée, notamment en ce qui concerne les éventuelles interférences avec d'autres systèmes de communication, donc on va suivre le dossier. Maintenant, on parle de réalité virtuelle sur smartphone. Le brevet de Google pourrait-il, oui, tout changer? Google a déposé une demande de brevet décrivant un casque de réalité virtuelle nomade qui serait relié à un smartphone via un câble. Une configuration qui aurait l'avantage de réduire l'encombrement et le poids du casque, tout en offrant des possibilités de contrôle et de détection des mouvements au niveau du téléphone mobile. Malgré le phénomène de mode, Et l'avenir radieux qu'on lui prédit, la réalité virtuelle est pour le moment encore trop chère et techniquement complexe pour un public non initié. Les casques de réalité virtuelle existants tels que l'Oculus Rift ou le Vive de HTC coûtent aux alentours de 1 000 $. Et pour les utiliser, il faut posséder un ordinateur de bureau ou haut de gamme qui demande encore une fois un investissement. Actuellement, l'alternative pour découvrir la réalité virtuelle et ses promesses sans assécher son compte en banque est de recourir à des solutions mobiles. Il s'agit de casques simplifiés dans lesquels on vient glisser son smartphone, qui fait alors office de système d'affichage et d'ordinateur pour exécuter les applications. L'avantage de cette option est qu'elle est nettement moins onéreuse et offre une bien plus grande souplesse d'utilisation. Je vais juste chercher rapidement. 800 €, ça donne... Ben, Colin, j'avais exactement raison. 1174 $. Mais elle a aussi pas mal d'inconvénients. Ces casques sont encombrants, parfois lourds. La définition d'écran des smartphones est un peu juste et on ne dispose pas d'une liberté de mouvement dans ces univers virtuels équivalente à celle qu'offrent les casques cités plus haut. Les phrases, des fois, sont drôlement construites en France. Mais les choses vont peut-être évoluer sous l'impulsion de Google. Le géant californien a en effet déposé une demande de brevet qui vient d'être rendue publique par la USPTO, qui est le US Patent and Trademark Office, le bureau des brevets et des marques de commerce, et détaille un système de réalité virtuelle mobile se composant d'un casque relié à un smartphone par un câble et éventuellement à terme par liaison sans fil. Le casque en question serait ainsi beaucoup plus léger et discret, tandis que le smartphone pourrait servir de manette de contrôle et de détecteur de mouvement, ce qui faciliterait le déplacement dans un décor virtuel sans risquer de se heurter aux obstacles physiques autour de soi. Le casque serait pourvu de son propre écran et il enverrait des informations sur les mouvements de la tête de l'utilisateur au smartphone qui se chargerait du traitement. L'idée n'est pas nouvelle. LG y avait pensé avec son casque LG 360 VR présenté en février et même en même temps que son smartphone LG G5, mais le dispositif n'avait pas vraiment convaincu, principalement en raison de l'ergonomie du casque. On rappelle que de son côté, Google se prépare à dévoiler Daydream, sa plateforme de réalité virtuelle pour les terminaux sous Android 7.0 Nougat. Alcatel, Asus, HTC, Huawei, LG, Samsung, Xiaomi et ZTE. j'ai dit des affaires en anglais puis en français, je sais pas trop où donner de la tête avec ça, ont prévu de proposer des smartphones compatibles Daydream. De plus, Google a publié un design de référence pour un casque de réalité virtuelle ainsi qu'une manette de contrôle dont les fabricants pourront s'inspirer pour concevoir leurs produits. Et il se murmure que la firme californienne pourrait sortir son propre casque Daydream, peut-être inspiré du brevet dont il est question ici. On devrait le savoir plus tard. Sur le site Android Police, Google aurait prévu de tenir une conférence le 4 octobre pour faire plusieurs annonces importantes. De nouveaux smartphones nommés Pixel et Pixel XL, un diffuseur Chromecast compatible Ultra HD, la plateforme domotique Google Home, et donc peut-être aussi un casque de réalité virtuelle Daydream qui pourrait reprendre le principe de ce brevet. On s'attend donc le 4 octobre. Voilà, c'est tout pour ce blog de CNX. On prend une petite pause. Au retour, est-ce que j'ai le temps? Oui, j'ai le temps. Génial. Donc, au retour, une pièce de presque 20 minutes de musique de Megaman. Ça se passe juste après la pause MPS, le Mathieu Plancheau. Sur C'est vous. Mathieu Plante pour la semaine du 26 septembre 2016. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Je vous disais avant la pause qu'il restait peut-être une vingtaine de minutes, juste assez de temps pour entendre l'album Blue Legacy par The Plasmas, pardon. Donc c'est un mix genre un medley épique de chansons de Megaman. C'est un peu métallisé. Ça va faire différent pour le Mathieu Plante Show, mais vous allez reconnaître les mélodies. Vous devriez apprécier si vous aimez la série Megaman. Donc voici The Plasmas avec A Blue Legacy. MPS, le Mathieu Plante Show, et on revient pour se dire au revoir dans 18 minutes 30. À tout à l'heure. mix de presque 20 minutes par The Plasma. C'était A Blue Legacy. En fait, c'était ce n'est toujours. Il reste encore 4 minutes à la chanson. On va terminer l'émission là-dessus. C'est un gros medley épique par The Plasma. C'est la musique de Mega Man. Vous reconnaissez si vous connaissez la série. Encore une fois, l'album s'appelle A Blue Legacy. Nous, ben, ça va être tout pour le Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mercredis de 15h à 17h. On rappelle les jeudis à midi et les mardis à 10h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Ainsi qu'au Palmarès C'est Fou les mardis de 14h à 17h. Consultez la programmation complète sur cifou.ca. Retrouvez les notes de l'émission, les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. La semaine prochaine, Samuel Girard va être de retour parmi nous de la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show. Mathieu Plante, c'est le Mathieu Plante. Et vous avez été planté. Bye bye.